On ne t'a jamais dit ce qui était bien, ce qui était mal. Maman me battait quand je ne faisais pas les choses à son idée. Mais ne savais-tu pas que tu commettais une mauvaise action en quittant ton père et ta mère pour aller vivre avec un vieillard ? Atala, la judicie, regarda d'un air superbe la baronne et ne lui répondit pas. « C'est une fille tout à fait sauvage, » se dit Adeline. « Oh, madame, il y en a beaucoup comme elle au faubourg, » dit la femme du fumiste. « Mais elle ignore tout, même le mal, mon Dieu. Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» demanda la baronne en essayant de prendre Atala par la main. Atala, courroucée, recula d'un pas. « Vous êtes une vieille folle, » dit-elle. « Mon père et ma mère étaient à Jean depuis une semaine. Ma mère voulait faire de moi quelque chose de bien mauvais, puisque mon père l'a battue en l'appelant voleuse. Pour lors, Monsieur Videur a payé toutes les dettes de mon père et de ma mère, et leur a donné de l'argent, au plein un sac, et il m'a emmenée, que mon pauvre papa pleurait. Mais il fallait nous quitter. Eh bien, est-ce mal ? » demanda-t-elle.